让这个这个地里这个天气可哇阿爸来了为你可以拿出去阿爸来了这是我所不理解的你刚才的这里是这样的物这个拿你们几乎没有压迫在里面所以让他舍不得dans le cadre des instructions que j'essaie de vous transmettre pour vous faire comprendre la subtilité de la phase. Puisque je suis un spécialiste de la phase. Votre maturité dépend de votre capacité de dépasser la forme à tous les niveaux de son esprit. Surtout dans le domaine de la haute spiritualité et de télésorcisme. Un homme qui n'a pas le pouvoir de réduire une phase, c'est un homme qui n'a pas le pouvoir. Il est enchaîné quelque part à cette phase. Quand les hommes s'éveillent à la réalité de l'esprit de la forme dans l'esprit de l'âme des maîtres, parce que les maîtres servent à maintenir sur la terre la forme de l'esprit de la forme, bien que leur activité soit essentielle de l'évolution de l'âme ancienne. Seront inutiles à la vie. Il y a certaines des sociétés de télé que succès ou vie de l'extérieur, succès puis par le biais des ceux-ci, devront un jour réaliser. Il n'y a qu'une réalité, et qu'elle est universelle, et qu'elle n'est pas traduite dans des mots. Qu'elle est purement énergie. Et que dès qu'on apporte à cette énergie une alliance avec notre intelligence, par le biais des mots, on s'enferme. Lorsqu'on est enfermé, on n'a plus la clé. Voilà la quantité telle que je l'explique aujourd'hui, bien qu'elle serve simplement à explorer vos destinées, un jour deviendra un aspect intégral de votre être.